madame, il copie. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Sois un peu de ma gueule, c'est du vol et du plagiat. Et puis t'es copié, on t'en fout aussi. C'est la nouvelle version. J'ai une impression de déjà vu. Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit tout à la perfection. On peut avoir une deuxième chance? Merci. C'est parti. Rien ce que vous dites. C'est une nouvelle langue que je viens d'inventer en fait. Je mets bien l'ancienne, non ? Heiko, Heiko, Heiko, Heiko, Hande, Giacomo Filo, Handande, Giacomo Finane. Oh, my spy boy met your spy boy, sitting by the bio. My spy boy, I do the your spy boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now, Heiko, Heiko, Hande, Giacomo Filo, Handande, Giacomo Finane. Oh, look at my queen all dressed in red, Heiko, Heiko, Hande, I bet you $5 she'll kill you dead, Giacomo Finane. Talking about hey now, hey now, Heiko, Heiko, Hande, Giacomo Filo, Handande, Giacomo Finane. Heiko Hande, Giacomo Filo Handande, Giacomo Finane. Oh, Heiko, Heiko, Heiko, Heiko Hande, I'm having my fun on the Mardi Gras day, Giacomo Finane. Talking about hey now, hey now, Heiko, Heiko Hande, Giacomo Filo Andande, Giacomo Filale, dog in my head now, head now. I go Andande, Giacomo Filo Andande, Giacomo Finale. Pas mal, petit. Pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais pas mal.